bien, bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Cold to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Sting Shaggy, Baby G, Bam Bam, Javerity, sans oublier Momistic, Conquera, Beyoncé et pour finir Scorpion. Allez les amis, commençons avec le premier groupe qui s'appelle Sting Shaggy. La chanson est sortie en 2018 et elle s'appelle Don't Make Me Wait. It's a this town, one of the best town when it comes to keeping a party, keeping fun. It's the liveliest town on earth. So me and them, my lad, this is a team, Slicker Sean, Seggy. What's up? Perfectly designed, so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Ben voilà mes chers Rasta, c'était Don't Make Me Wait de Sting Shaggy. Et je vous propose qu'on continue avec un chanteur très talentueux qui se nomme Baby G. Il va chanter la chanson La Violence. Et vous allez voir, c'est juste super. Démon, avec la grâce de sa majesté, I King Selassie. Yo, Rastafari. Et que tout le monde soit plus à l'aise. Démon, Selassie, I bless you every time. Mais je te pose des questions qui resteront sans réponse. Les choses à mon avis n'a plus de sens. On utilise la violence pour calmer la violence. Et la police a pris mon quartier comme lieu de résidence. Hey, mais je ne te pose que de questions qui resteront sans réponse. À tout les choses, à mon avis, n'ont plus de sens. On utilise la violence pour calmer la violence. Et la police a pris mon quartier comme le de résidence. On sait que la violence appelle la violence. Il faut calmer le jeu, faire preuve d'intelligence. Une fois de plus, la haine pèse et fait pencher la balance. Et l'hypocrisie vient jeter son lot, ça se monte. Mais qui n'est pas prêt à tout pour donner à sa vie un sens. Le business est partout et Babylon n'a aucune chance. Ils veulent briser la violence, faire chuter la délinquance. Dans les zones, dans l'endroit où les jeunes ont du confiance. Hey, et je te pose pas de questions qui resteront sans réponse. La tournure copie les choses, à mon avis, n'a plus de sens. On utilise la violence pour calmer la violence. Et la police a pris mon quartier comme lieu de résidence. Hey, et je te pose pas de questions qui resteront sans réponse. Les choses, à mon avis, n'ont plus de sens. On utilise la violence pour calmer la violence. Et la police a pris mon quartier comme une résidence. Les maires de Paris se plaignent de la brutalité policière. Et les policiers font tout pour éviter les jets de pierre. Personne n'a raison, personne n'a tort dans cet enfer. Et la violence urbaine vient rendre les choses amères. Mais tout le monde veut une bonne vie. Mais tout en vie. Et toutes ces familles accrochées aux ennemis. La drogue emporte les soucis. Bien voilà les amis, c'était la violence de Baby G. La chanson se nomme Sister Nancy et le chanteur se nomme Bam Bam. Vous allez voir cette chanson, je l'adore et j'espère que vous allez aimer aussi parce qu'elle est juste géniale. Allez, c'est parti les amis. Tell me say one thing Nancy can't understand. One thing Nancy can't understand. What make them a talk about me ambition? Say what make who them a talk about me ambition? Come me say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no no it's from creation. I told them no no it's from creation. Bam bam ayo. Bien voilà les amis, c'était Sister Nancy. Allez, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à un chanteur. Il se nomme Ja Verity. Je vous fais découvrir l'une de ses chansons qui se nomme Mali Bamako. Allez, c'est parti. Mali Mali Bamako. Mali Mali Bamako. Mali Mali Bamako. Bamako. Maliba, anga maliba o, niko maliba mako, ukora leko anga maliba, agora leko anga maliba o, cha cha verity pa ufora, cha cha verity a, au niche aunibara. Sera Bamako, ye chati nyuma soro. Sera sikaso, oye kuma chuma fanyana. Sera segu, mogosi mane chamfa. Ne sera mofti, mogo manene. Mali Bamako, Pekaso, Angaso, Pekaso, Monel Dorado, Mali Bamako. Mali Bamako, Pekaso, Angaso, Monel Dorado, Mali Bamako. Bamako, iye Bamako kau fonye. Quand tu vas à Bamako, tu deviens tout beau, tu deviens tout nouveau. Sababu nyuma be Bamako, bibi meya kama na mole jarakila. Dunya magalu beson tekelenye. Sabu ni sera Bamako, iye Bamako kau fonye. Moroya be Bamako, Sababu nyuma be Bamako, La Moya de Bamako. Lord, Mali Bamako. Bekaso, Angaso, Bonetto Rado. Mali Bamako. Lord, Mali Bamako. Bekaso, Angaso, Bonetto Rado. Mali Bamako. Lord, toutes les goûts, on te paie le faux. Dans la ville de Bamako, il y a des châteaux, il y a des nouveaux, il y a des motos à gogo. Bamako ka ou fa nya nya nya nya, si ka so ka ou fa nya, iye ka ou ka ou fa nya, se kum ka ou fa nya, ye mokji ka ou fa nya, iye ka e ka fa nya. Chala ka ou fonye, tanti umu fonye, aba fonye, sister mam fonye, manken fonye, emteka fonye, raspa chili fonye, beten kulbali fonye, bebe bintu fonye, awatyalo fonye, la vite ka fonye, Pamela fonye, Charlie fonye, Chaka fonye, Zakara mamwe. Zakaria mambwe, Zakaria, Zakaria, Zakaria mambwe. Eh bien voilà mes Rasta, c'était Mali Bamako. Allez, poursuivons maintenant avec un autre chanteur qui s'appelle Mo Mystique. La chanson se nomme Ne craque pas et d'ailleurs le clip a été tourné à Nancy. Il a tourné sur la plus belle place d'Europe ou pour nous chers Nancyens du monde, la place Stanislas. Eh, cette belle place, cette magnifique place que tout le monde aime. Et je vous laisse écouter et puis on se retrouve juste après mes Rasta. Allez, c'est parti. Nous pousser, ne les laisse pas t'emporter. Alors méfiance.

my favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Baby, you look perfect tonight. Mais c'était Perfect de Conqueror. Allez, continuons dès à présent avec notre avant-dernier chanteur, ou plutôt chanteuse, qui s'appelle Beyoncé. Elle va nous interpréter la chanson Listen. Vous allez voir, vous allez adorer, j'en suis sûr. C'était Beyoncé Listen. Allez, la dernière musique est un remix du DJ Edgar. La chanson est du groupe Scorpion, oui, ce grand groupe de rock, hard rock. Et c'est la chanson Still Loving You qui l'a remixée. Vous allez voir, ça fait un peu bizarre de passer du rock au reggae, mais n'empêche que c'est plutôt génial. Time.